rivières que tu pleures n'éteindront pas le feu qui envahit ton sommeil et te brûle les yeux. On ne sait jamais, mais on apprend toujours à reconnaître la mort déguisée en amour. Même une montagne en deuil ne peut plus t'émouvoir. Dis-moi qui Chiquita qui te fait pleurer ce soir. Hey Chiquita, dis-moi qui t'a dit que la vie est un jeu dangereux, dangereux. Hey Chiquita, dis-moi qui t'a laissé ce bleu au fond du cœur, la pluie au fond de tes yeux. Toutes les rivières que tu pleures n'éteindront pas le feu qui envahit ton sommeil et te brûle les yeux. Hey Chiquita, dis-moi qui t'a dit que la vie est un jeu dangereux.